Trop les gens sur ma gueule, ils ont parlé. Eh les gars, arrêtez de sous-estimer. Ça c'est pas de la musique, c'est la caméra. Ça c'est mon son, tu fais. Après ce morceau, tu m'appelleras Tupac. Mais ce Tony la claque, la barrette dans ton sac, l'antisèche dans les bacs, j'en écoute à la Fnac. Maintenant tu connais mon plan. Big Big, tu connais la machine. Toujours frais dans la street, avec différents jeans. J'te donne ce que j'ai dans les fouilles, tu me prêtes ta copine. On va manger sur Paname, mais après faut qu'on pile. Ben ouais, fallait pas nous chercher. On est les plus gros emmerdeurs que Paris a craché. C'est Romera comeback, faut pas nous détester. Y'a la rue qui a investi, faut qu'on vende les CD. Ben ouais, on a trop mangé des clous. À cette heure-ci, moi j'te dis, faut qu'on goûte un peu les sous. C'est Similiki, Similiki, Similimodeg. T-O-N-Y, puis pas ton big deck. Après ce morceau, tu m'appelles à Tupac. Mais ce Tony la claque, la barrette dans ton sac. L'antistress dans les bacs, j'en écoute à la Fnac. Yeah, maintenant tu connais mon plan. Big, mis en homme et machine. 22 piges à maman, un billet de sang dans les foules. Big, mis en homme et machine. 22 piges, un billet de sang, une capote et on pique. Yeah, à ce qui paraît, on va faire un CD. Franchement, ça fait trop plaisir. Qu'on attendait, hey. Y'en a qui disent qu'ils l'ont déjà écouté. Ils découpent dans les caps pour dealer nos CD. Toujours là, dans le ghetto classement. Trop ghetto, bandit boy, storm serre comme un gun. Ah, la caméra, mamma mia. Et t'as même pas honte de dire c'est pas fâché ça. Ça, c'est le son des bébés classiques. Franchement, on aurait dû s'appeler Reban classique. MC, serré à droite, on vient vous déclasser. LC, aka. Ban classique, j'ai déjà dit quand tu dors, et ben nous on se lève. Je te redis, c'est ma piste qui défrise, c'est way. Simili qui, simili, simili, simili modeg. T-O-N-Y, il m'a son big deg. Après ce morceau, tu m'appelles à Tupac. Mais ce Tony la claque, la barrette dans ton sac. L'antistress dans les bacs, j'en écoute à la Fnac. Yeah, maintenant tu connais mon plan. C'est moi Big l'enfoiré, c'est son de la machine. Les négros deviennent tarés, ouais j'te l'ai déjà dit. Menace ça va saigner, finis tout mon son dans une groove ou en soirée. Tu connais le deal, c'est moi Big l'enfoiré. C'est son de la machine, les négros deviennent tarés, ouais j'te l'ai déjà dit. Menace ça va saigner, finis tout mon son dans une groove ou en soirée. Oh les gens sur ma gueule ils ont parlé. Eh hey, les gars arrêtez de sous-estimer. Ça c'est pas de la musique, c'est la caméra. Ça c'est mon son. Oh les gens sur ma gueule, ils ont parlé. Eh hey, les gars, vous avez trop sous-estimé. Ça c'est pas de la musique, c'est la caméra. Ça c'était mon son. C'est bon. Après ce morceau, tu m'appelles à Tupac. Mais ce Tony la claque, la barrette dans ton sac. L'antistress dans les bacs, j'en écoute à la Fnac. Yeah, maintenant tu connais mon plan. Yeah!